The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. European Union. L'Union Européenne. To swallow. Avaler. To fill the role of. Assurer. Presidency. La présidence. Council. Le conseil. Member state. L'État membre. Minister. Le ministre. Foreign affairs. Les affaires étrangères. To get. Saisir. Now, a bit faster. To get. Saisir. Foreign affairs. Les affaires étrangères. Council. Le conseil. European Union. L'Union européenne. To fill the role of. Assurer. Minister. Le ministre. To get. Saisir. Council. Le conseil. Minister. Le ministre. To get. Saisir. Council. Le conseil. To fill the role of. Assurer. European Union. L'Union européenne. Foreign affairs. Les affaires étrangères. Presidency. La présidence. To get. Saisir. Minister. Le ministre. To swallow. Avaler. European Union. L'Union européenne. Now, use the words in context. Avaler. He believes everything people say to him. You can make him buy anything. Il croit tout ce qu'on lui dit. On peut lui faire avaler n'importe quoi. Assurer. Since the mayor cannot carry out his duties, the deputy mayor is going to replace him. Le maire ne pouvant assurer ses fonctions, c'est l'adjoint au maire qui va le remplacer. Saisir. Are you grasping the importance of this mission? Est-ce que tu saisis l'importance de cette mission? Le conseil. The United Nations Security Council to intervene in that conflict. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'intervenir dans ce conflit. Assurer. Since the mayor cannot carry out his duties, the deputy mayor is going to replace him. Le maire ne pouvant assurer ses fonctions, c'est l'adjoint au maire qui va le remplacer. Saisir. Are you grasping the importance of this mission? Est-ce que tu saisis l'importance de cette mission? Le conseil. The United Nations Security Council to intervene in that conflict. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'intervenir dans ce conflit.